السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، la semaine dernière nous avons étudié le hadith numéro 5, le hadith de Umm al-Mu'minin Aisha radiallahu anha, dans lequel elle rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad, wa fi riwayatin li musliman amila amalan ashraka man amila amalan laysa ali amruna fawarad. فالرواية الأولى أخرجها الإمام البخاري ومسلم، والثاني وجاء الإمام النووي بالرواية الثانية لأنها أشمل وأعم. ففي الرواية الأولى عموم أو إبطال المحدثات، والثانية رد على المحدث والتابع. Donc le cinquième hadith nous montre que l'innovation est interdite en islam. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a ramené la deuxième version du hadith afin de montrer que l'innovation est rejetée, que ce soit en ce qui concerne celui qui a innové cette chose-là ou celui qui l'a suivi par la suite. C'est général. À partir du moment où l'action que tu fais n'a pas de preuve du Coran ni de la Sunna, l'action sera rejetée. Et on a tiré de ce hadith la deuxième condition d'acceptation des actes d'adoration chez Allah subhanahu wa ta'ala. La première condition, on l'a tiré du premier hadith, c'est la sincérité. Et la deuxième condition, on l'apprend de ce hadith, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu également que celui qui a une bonne intention, mais qui n'agit pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son intention ne sera pas suffisante afin qu'Allah azza wa jal accepte son acte d'adoration. Donc même la personne qui a une bonne intention, si elle n'agit pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son action sera rejetée. Et il y a plusieurs exemples qui se sont passés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au temps du prophète, trois hommes sont venus questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son adoration, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont donc demandé à Aïcha comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration. Elle leur a dit: il jeûne et il rompt le jeûne. Des fois il jeûne, des fois il ne jeûne pas. Il dort et il prie. Il dort une partie de la nuit et il prie une autre partie de la nuit. Et il épouse les femmes. Lorsque ses compagnons ont entendu cela, ils se sont dit: aina nahnu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dhunubi. Ils se sont dit: qui sommes-nous à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lui, on lui a pardonné l'ensemble de ses péchés passés et futurs. Alors l'un d'entre eux a dit: amma ana fa sa'asum wa la uftir. Maintenant, qui a dit: je jeûnerai tous les jours à partir d'aujourd'hui. Le deuxième a dit: sa'usalli wa la ana. Je vais prier toutes les nuits, je ne dormirai pas. Et le troisième a dit: la atazawwajun nisa. Je n'épouserai pas les femmes, je resterai chaste. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, Aisha radiallahu anha l'a informé de cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas approuvé ses paroles. Il est parti à la mosquée et a dit: comment se fait-il que des gens disent telle chose et telle chose et telle chose? Il ne les a pas cités. Soit car ils ne savaient pas leur nom, ou ils ne savaient pas qui ils étaient, soit car il n'y avait pas de sagesse à citer leur nom. Et de cela que tu comprends que lorsqu'on cite le nom de la personne, lorsqu'on la critique, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Ça n'est pas un automatisme. Et à travers le Coran et la Sunna, on voit que des fois la sagesse nous pousse à citer le nom de celui contre qui on met en garde. Et à d'autres moments, la sagesse est de ne pas citer le nom, mais de parler des actions. Donc ça dépend du contexte et de la situation. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en ce qui me concerne, ana atqakum lillah, je suis celui qui est le plus pieux, je suis celui qui craint le plus Allah, qui a le plus peur de lui et qui le connaît le mieux. Mais malgré ça, asum wa uftir, je jeûne et je romps le jeûne. Usalli wa anam, je prie une partie de la nuit et je dors une autre. Wa atazawwaju an-nisa, et j'épouse les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, celui qui s'éloigne de ma voie ne fait pas partie de moi. Wa as-sunna, dans ce hadith, sunnati, c'est pas al-mandub wal-mustahab, c'est pas les choses qui sont recommandées et surérogatoires. Non, as-sunna fi hadha al-hadith at-tariqa, tariqatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. فمن أعرض عن طريقتي أو رغب عنها فليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que ça n'est pas avec la, c'est pas la quantité qui compte seulement, mais c'est la qualité. Et la qualité, même si c'est peu, vaut mieux que la quantité, si ça n'est pas en conformité avec la sunna et que c'est fait dans l'innovation. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran attire plusieurs fois dans le Coran notre attention sur ce point. Dans Suratul Mulk, il dit: tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa lam yaqul akthar bal ahsan. Fasu'ila al-qadhi 'Iyad ما الأحسن؟ قال أصوبه وأخلصه. إن العمل إذا عملته وليس لله لم يقبله الله. وإذا عملته بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله الله. Allah nous dit que c'est celui qui a créé la vie et la mort pour voir lequel d'entre nous va le mieux œuvrer. Et il n'a pas dit le plus. Il a dit le mieux. Et lorsqu'on a demandé au grand savant Qadi Iyad que veut dire le mieux, il a dit le plus sincèrement possible et le plus en conformité avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc plus tu es sincère et plus tu agis à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu seras agréé auprès d'Allah et tes actions de même. Et avec cela, avec ce hadith-là, on réfute l'ensemble des sectes qui sont apparues dans la communauté. Toute personne qui vient avec une nouvelle chose, on le met devant ce hadith. Quelle que soit cette personne et quelle que soit son action. Quelle que soit cette personne et quelle que soit son action. On ne dit pas « oui mais il connaît, oui mais il vient de tel pays, oui mais il a étudié tant d'années ». Non. Le juge, c'est « qala Allah, qala Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Ce avec quoi nous jugeons, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si on a une preuve de ce que tu avances dans ce livre-là, on acceptera. Si on ne trouve pas, alors on regardera dans la sunna. Si on n'a pas de preuve de ce que tu avances dans la sunna, alors on ne l'acceptera pas. De qui que ce soit. De qui que ce soit. Et quelle que soit la chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent, si ce n'est toujours le vendredi, wa inna ahsan al-hadi aw kitab, kitabullah. Wa khayra al-hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les hadiths sont nombreux pour nous montrer qu'il faut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que toute innovation dans la religion est rejetée. En ce qui concerne les innovations dans les affaires de la vie, il n'y a pas de mal tant que ça ne contredit pas un texte. D'accord ? Il n'y a pas de mal. Tout ce qui est la technologie, tout ce qui est les voitures, la nourriture, les boissons, ainsi de suite. Il n'y a pas de mal. Mais dans la religion, tu n'avances pas d'un pas, si ce n'est avec une preuve. L'imam Ahmed, rahimallahu ta'ala, disait même, « إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل ففعل » Subhanallah. Si tu peux gratter ta tête avec une preuve, fais-le. Même pour gratter ta tête, si tu arrives à le faire avec un hadith, fais-le. Et ne fais pas un pas sans texte. Et l'imam Malik, rahimallahu ta'ala, était très dur avec les gens de l'innovation. Il détestait les innovateurs et les gens de l'innovation. Et il aimait énormément les gens de la sunna et du hadith. Et un jour, un homme est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti voir l'imam Malik, rahimahullah, et lui a dit, « Ya imam, ar-Rahmanu ala l'arshi stawa, kayf stawa ?» Il a dit à l'imam Malik, « Oh imam, Allah dit dans son livre, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Comment est-ce qu'il s'est élevé ?» Alors l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a baissé la tête. Il a baissé la tête et on a vu sur son visage qu'il a détesté sa question. Et yani, c'est une chose immense. Comment une créature aussi faible vient te questionner sur le comment d'Allah subhanahu? Alors qu'on ne connaît pas le comment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il a répondu Al-istiwa ou ma'aloum. Al-istiwa ma'aloum. Ay ma'aloum fi l'orat al-arab. Ala wa sa'id wa artafa. Al-istiwa ou al-ulou. والارتفاع والصعود معروف في لسان العرب. Il lui a dit dans l'istiwa, c'est connu. C'est-à-dire chez les Arabes, ça veut dire s'élever. والإيمان به واجب. Et de croire qu'Allah est au-dessus de son trône élevé, ça c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'Allah l'a dit dans le Coran. Comment est-ce que nous on va dire non, mais là, Allah dit une chose dans le Coran, on l'accepte. Et on n'altère pas son sens. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةً أي السؤال عن الكيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن صفات الله وأسمائه ولم يتدخل في الكيف فكيف أنت تأتي بعده وبعد الصحابة ولم يسأل عن ذلك وأنت تأتي وتسأل. C'est comme s'il lui disait, comment toi tu viens après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après les compagnons, tu poses une question qu'ils n'ont pas posée. Tu poses une question sur le comment d'Allah. Cela est interdit. Mais tu dois savoir qu'Allah est au-dessus des cieux, au-dessus du trône, au-dessus de sa création. À la fin, écoutez ce qu'a dit l'imam Malik, rahimallahu ta'ala. Akhrijuhu min al-masjid. Fama arahu illa sahiba bid'ah. Faites-le sortir de la mosquée. Il l'a viré de la mosquée. Il a dit, lui, ça ne peut être qu'une personne des gens de l'innovation. Il l'a fait sortir de la mosquée pour pas qu'il trouble la religion aux musulmans. Et aujourd'hui, tu vois des gens ramener des nouveautés. Chaque semaine. Lui ramène telle chose, lui ramène telle chose, lui ramène un dhikr en groupe. Il y a des gens qui se réunissent en groupe, hein, et ils prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils bougent leur tête de droite à gauche, comme certains soufis. Ou bien ils font des adhkars en groupe. Ou bien, comme il y a dans beaucoup de pays, ils se réunissent en rond et ils récitent le Coran d'une seule voix, tous en même temps. Là, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? À chaque fois qu'on te ramène une nouveauté, tu poses cette question-là. Est-ce qu'Allah a cité ça dans le Coran? Non. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela? Non. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Est-ce que les sahaba ont fait cela? Non. Alors que te suffit ce qui leur a suffi à eux? Est-ce que toi tu es mieux que eux? Non. Comment tu vas ramener des nouveautés alors dans la religion? Là, la religion c'est la religion d'Allah Azza wa Jalla. Elle est parfaite. Mais le manquement vient de nous. Parce qu'on a des manquements dans notre ilm, dans l'apprentissage. Et est-ce qu'on a mis en pratique tout ce qu'on a appris avant de chercher des nouveautés déjà? L'innovation, elle bida'a. تسبب الافتراق في الأمة. L'innovation, ça cause la division dans la communauté. Et ça cause la faiblesse de la communauté. Donc on appelle l'ensemble des gens à revenir au Coran et à revenir à la Sunna. Et c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Allah nous dit dans le Coran, suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. L'imam al-Tabari a dit, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Comment est-ce qu'on va comprendre le Coran et la Sunna? Chacun comme il le veut? Non, comme les compagnons l'ont compris. Comme les compagnons l'ont compris. En faisant cela, les musulmans vont retrouver leur force. Et vont se réunir autant que possible. Et ne s'égarera que celui qu'Allah n'aura pas guidé. Mais si on fait cette da'wah, on appelle les gens à revenir au Coran, à la Sunna, à la compréhension des pieux prédécesseurs, ben vous allez voir que la communauté va reprendre et retrouver sa force au-dessus des autres. Voici pour le cinquième hadith, qui est un hadith très très très important. Il faut donc le mémoriser et après l'avoir étudié, l'enseigner. Et nombreux sont les textes des pieux prédécesseurs concernant la mise en garde contre l'innovation et contre les innovateurs. Certains ont même dit, n'écoute pas un innovateur. Et de manger avec les gens du livre, mais préférable que de manger avec un innovateur. Certains parmi les salafs disaient, d'inviter à ma table et de manger avec quelqu'un des gens du livre, mais préférable que de manger avec un muftadir, avec un innovateur. Parce que lui, il ne va pas me tromper dans ma religion. Mais l'innovateur, il va rentrer par le nom de l'islam. Au nom de l'islam, il va rentrer et va égarer les gens. Et certains disaient, n'écoute pas l'innovateur lorsqu'il vient. Celui qui ramène des nouveautés dans la religion. Même s'il te dit un verset, parce qu'il commence avec un verset, et ensuite il ramène les choses de sa tête. Et il disait, ils sont comme des scorpions. Ils se cachent sous le sable. Et lorsqu'ils sont en force, ils te piquent. Lorsqu'ils sont en force, à ce moment-là, ils te piquent. Et un savant était avec son fils, un enfant. Et il y a un homme des gens de l'innovation qui est venu. Et il lui a dit, laisse-moi te dire un hadith. Ou laisse-moi te dire une parole. Il lui a dit, même pas la moitié. Je ne t'écouterai pas. Il lui a dit juste un texte. Il lui a dit non. Ensuite il a dit à Abunaï, ô mon fils, mets tes deux doigts dans tes oreilles et enfonce-les fort. Il a dit ça à son fils, subhanallah, pour pas que son fils écoute les gens de l'innovation et de l'égarement. Et lui-même il a mis ses doigts dans ses oreilles alors que c'est un savant. Et il disait que l'innovation, elle est dangereuse pour le cœur. Lorsqu'elle rentre, elle rentre facilement. Mais pour la faire sortir, c'est difficile. Et regardez au jour d'aujourd'hui. Les gens qui sont rentrés au nom de l'islam pour essayer de pervertir l'islam de l'intérieur. Et ils sont pires que les ennemis visibles. Parce que celui qui n'est pas musulman et qui veut nuire à l'islam, toi tu fais attention à lui. Mais ton frère qui est à côté de toi, qui prie avec toi, qui vient à la mosquée avec toi, tu ne vas pas te méfier de lui. Alors il aura plus de facilité à rentrer son poison et à t'éloigner de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien sont les jeunes qui sont partis dans des pays et tu entends qu'ils se sont fait exploser? Qu'est-ce qui les a égarés si ce n'est les gens de l'innovation? En les faisant sortir des mosquées et en s'asseyant dans des maisons et en parlant en cachette. Si c'est la vérité que tu portes, pourquoi est-ce que tu vas la dire en cachette dans une maison? Dans le noir. Si ça aurait été la vérité, tu serais venu le dire ici. Et ils rendent mécréants les gouverneurs. Et ils rendent mécréants ceux qui travaillent pour le gouvernement. Et ainsi de suite. Alors qu'il s'agit de pays musulmans. Et ils tuent les musulmans. Subhanallah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ils ont tué Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Abdurrahman ibn Muljam. C'est quoi la cause qu'ils ont tué Ali ibn Abi Talib? C'est l'innovation. C'est quoi la cause qu'ils ont tué Uthman ibn Affan? L'innovation. Comment après ça, nous on pourrait laisser quelqu'un de l'innovation venir et parler aux musulmans? Là wallah. On ne laisse pas les gens de l'innovation venir parler. On ne laisse pas les gens de l'innovation venir sur notre minbar. On ne laisse pas les gens de l'innovation venir parler à notre micro. Bi'idhnillah, il n'y a que as-sunnah. Il n'y a que as-sunnah. Et celui qui vient avec la sunnah, marhaban bihi. Et celui qui vient avec l'innovation, il ne trouvera que du mal devant lui. Bi'idhni rabbil alami. Car celui qui ramène l'innovation aux musulmans, il ne veut que leur mal. Qu'il le sache, qu'il fasse cela volontairement ou involontairement. Amma, celui qui te ramène la sunnah, c'est celui qui a voulu pour toi le paradis. Car le chemin qui mène au paradis, c'est le chemin de qui? Hein? C'est le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى اتباع سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجنبنا البدع والفتن والمحدثات